Vous venez d'entendre le Capriccio pour quatuor à cordes en mi mineur de Mendelssohn. Ici s'achève, mesdames, messieurs, la première partie du concert de musique de chambre, transmis de la salle de l'Aubette à Strasbourg et donné par le quatuor Busch. Après un entracte de 15 minutes environ, vous pourrez écouter la suite de ce concert, le troisième du Festival de musique romantique qui se déroule actuellement à Strasbourg.